Évariste Nziko Banyanga. Audrey Ndaikeza sur la mise en onde. Bienvenue à ce journal de la mi-journée de ce samedi 25 août 2018. Donc voici d'abord les principaux titres. Deux personnes ont été tuées. Il s'agit d'un enfant de Karoussi dont son sexe a été coupé lorsqu'il était à la recherche du bois de chauffage. Et son sexe aurait été coupé par une personne qui est déjà dans les mains de la police. La deuxième, il s'agit d'un commerçant des produits de la Braoudi tué par des inconnus en commune Tangara de la province Ngourzi. Un cadre institutionnel de mise en œuvre du plan national de développement 2018-2027 récemment lancé à Gitega par le président de la République sera mise en place très prochainement. Et la chronique Arrêt Culture de ce samedi, l'on vous parlera de la peinture qui est un art peu connu et pratiqué par peu d'artistes au Burundi pour plusieurs raisons. Bienvenue à ce journal. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par les brèves. Sécurité, un garçon de 11 ans de la colline Kayangé, de la commune Wuhiga, province Karoussi, a été retrouvé mort ce vendredi vers 14h à la même colline. Le sexe est coupé. L'auteur serait un certain Rick Nsengiumva de 25 ans, qui a été arrêté sur place après le forfait. Le commissaire communal de police de Wuhiga indiquait que l'enfant était à la recherche du bois de chauffage avec trois autres enfants avant d'être attrapé par ce jeune arrêté et les autres ont pu prendre la fuite tout en criant au secours. Les habitants se sont précipités à intervenir mais ont trouvé l'enfant ayant déjà rendu l'âme mais ont arrêté cet homme en possession d'une machette. Un corps sans vie d'un homme Abel Mutangana a été retrouvé sans vie ce samedi matin sur la colline Nyamusenyi, zone de Musenyi de la commune Tangara. Nous sommes dans la province de Ngozi. Ce grossiste de produits de la Braoudi a été tué par machette par des gens qui l'ont tendu une embuscade au cours de la nuit au moment où il rentrait chez lui, selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Nguikiye. Ce même porte-parole indique que les enquêtes sont déjà en cours. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, le Burundi envisage mettre en place un cadre institutionnel de mise en œuvre de son plan national de développement 2018-2027 lancé mercredi à Gitega cette semaine par le président de la République. Ce cadre sera composé de deux organes principaux, dont un comité de pilotage. Une des grandes missions de ce cadre institutionnel est de permettre au gouvernement et aux partenaires de mettre en œuvre le diplôme et d'apprécier les résultats pour le bon fonctionnement ou un fonds d'appui aux études prévues. Les détails avec Placide Niomonguette. Selon le document de ce plan national de développement, ce cadre institutionnel de coordination déjà mis en place est constitué de deux organes. Il y a un comité national de pilotage et de coordination des politiques et programmes de développement qui est doté d'un secrétaire technique logé au sein du ministère ayant la coopération au développement. Ce comité a comme tâche principale de suivre régulièrement l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan national de développement. Ce comité national, dans ses attributions, poursuit ce document, peut recourir à une expertise externe à chaque fois qu'il y a besoin dans le cadre de ses activités. Cependant, cette expertise est rencontre au président de la République. Un autre organe de ce cadre institutionnel est constitué des ministères et autres structures techniques. Selon ce document, le ministère ayant charge le développement local a pour mission d'assurer l'exécution du plan au niveau communautaire, alors que les ministères sectoriels mettent en œuvre le plan tout en assurant un suivi régulier dans leurs secteurs respectifs. Selon toujours ce document, en plus, ce cadre institutionnel a des antennes dans les provinces pour le bon fonctionnement. Selon toujours ce document, un fonds d'appui aux études a été prévu. Ce fonds est destiné au financement des études des projets, au renforcement des services de planification au niveau central, sectoriel et local. Merci à Placide Niyomungiri. Rendons-nous à Rumonge pour parler de l'humanitaire. Les 1300 personnes installées dans le village de Mayengo, en commune et province Rumonge, disent qu'elles vivent dans de mauvaises conditions. Certains ont en effet vu les tentes qui constituent les murs de leur maison se déchirer. Il manque de vivres, des terres cultivables et de l'eau potable. Ces déplacés avaient été transférés à Mayengo depuis les sites de Tchachi et Gitaza. Ils demandent assistance avant qu'il ne soit tard. De Rumonge, c'est une correspondance signée Jean-Pierre Misako. Telles sont les lamentations de certains parmi les habitants du site Mayengo qui craignent des chiens à chaque tombée de la nuit. Certains en effet dorment à la belle étoile ou se font abriter chez les voisins dont l'abri est encore en bon état. Après la fonte et la déchirure des tentes qui constituaient les murs de leur maison, des chiens entrent et sortent comme ils le veulent et ont déjà dévoré des lapins chez son voisin, dit Kasilde Nakirutimana, une habitante de ce site. De son côté, Sinzinkayo Hermenegilde de 78 ans, dans une chambre aménagée en assemblage de moustiquaires, dit qu'il meurt de faim. Même son de cloche chez Sylvain Nzeimana, qui demande que la situation soit améliorée avant le début de la saison pluvieuse. À côté des habitats détruits et le manque de vivres, Rémi Bitariho, chef de ce site, dit que l'eau potable et les terres cultivables font défaut. Selon lui, si le gouvernement les appuie, notamment en leur donnant de petits crédits et les terres cultivables, ils peuvent survivre. Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, est au courant de cette situation car, passant régulièrement par ce site, il leur promet toujours qu'une solution est en train d'être cherchée. Selon leurs propos, seulement 16 maisons sur 174 que compte ce site ont déjà vu leurs murs élevés en briques, une activité avançant à pas de tortue, selon ces déplacés de Tchachi et Gitaza, transférés à Mayengo depuis 5 mois. Jean-Pierre Misago, depuis le site de Mayengo, pour la radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre. Pour à présent, le fait que la sélection burundaise de karaté a raflé 14 médailles d'or dans le tournoi de la communauté de l'Afrique de l'Est qui se déroule au Burundi, cela n'a pas été dû à l'absence du Rwanda et de l'Ouganda à ce jeu de karaté. C'est du moins la réaction du président de la Fédération burundaise de karaté. Il explique que les karatékas burundais ont jadis raflé les médailles lors des compétitions qui ont vu la participation de l'Ouganda et du Rwanda. Suivez plutôt Christophe Ngurunziza, il est président de la Fédération de karaté. C'est une grande fierté et un honneur pour notre chère patrie, le pays, le Burundi. C'est un honneur pour notre fédération que nous dirigeons depuis l'année passée 2017. Et c'est un honneur pour tous les karatékas et tous les amis de karaté. Même aussi pour vous, les journalistes, vous avez aujourd'hui à médiatiser. Donc nous sommes vraiment très honorés d'avoir entendu autant de fois l'hymne national du Burundi. Donc nous sommes fiers de notre projet. Nous avons eu des résultats que nous espérions avoir dans 5 à 4 ans. Maintenant nous avons déjà une médaille d'argent au niveau africain, médaille de bronze au Qatar et comité. Et même au niveau mondial, on a combattu jusqu'en quart de finale. Et avec vraiment des victoires très extraordinaires, 8.0 contre des compétiteurs de très haut niveau. Donc je dirais merci pour le gouvernement du Burundi qui nous a envoyés dans ces compétitions, que nous sommes prêts à continuer à honorer et à faire briller les couleurs nationales. Oui, rafler 8 médailles en or, cela n'a pas été dû à l'absence du Rwanda ou l'Ouganda. Depuis 2017, au niveau de la zone, nous avons été champions. Je me souviens qu'en 2013, on a eu 16 médailles d'or. On est rentré avec 43 médailles plus les bronzes dans les individuels. Donc 16 médailles d'or, c'était en 2013. Donc ce n'est pas aujourd'hui, avec les participations, même au niveau mondial, nous avons une très belle place, que le Rwanda ou l'Ouganda allaient nous battre. Je ne pense pas. Donc je pense que nous avons un très bon niveau. Par contre, nous voulons cette fois des médailles au niveau mondial, même au niveau olympique 2020. C'était Christophe Ngurunziza, le président de la Fédération du karaté. Parlons l'international. 6 candidats exclus de la présidentielle en RDC. C'est ce qu'annonce ce vendredi hier soir. Donc, la commission électorale congolaise soit visée l'ancien vice-président et l'un des principaux opposants Jean-Pierre Bemba. Les anciens premiers ministres Antoine Gizenga, Adolphe Muzito et Sami Badibanga, ainsi que Marie-Josée Ifoku et Jean-Paul Moka sur 25 candidatures. 19 ont été retenus pour les législatives sur 15 505 candidatures reçues. 282 ont été considérés par la Commission nationale comme irrécevables. Plus tôt dans la soirée, 6 des 7 principaux aspirants candidats de l'opposition à la présidentielle avaient signé une déclaration commune mettant en garde le président de la CENI et dénonçant des injonctions. Ils avaient appelé Joseph Kabila à libérer le processus électoral. Radio Isanganiro, chronique culture. Je vous le dis en titre, la peinture est un art peu connu et pratiqué par peu d'artistes au Burundi pour plusieurs raisons comme un manque d'écoles d'art ou un désintéressement de la peinture par des Burundais. C'est ce qu'a remarqué Christian Boudjididi, un homme peintre congolais qui a fait ses études universitaires au Burundi et qui vit à Bujumbura grâce à son art. Il invite les parents et encourage les enfants qui ont des talents de peinture et interpelle l'État à multiplier les écoles d'art qui forment les futurs artistes. Chronique et art culture avec Christian Ansafsi. Comme beaucoup d'artistes qui évoluent, Christian Boudjididi a eu besoin d'autres artistes peintres burundais pour s'épanouir et développer son art pendant qu'il poursuivait ses études à l'Université du Burundi en génie civil. C'est parti d'un hasard ou bien du destin, parce que j'ai dessiné depuis que je suis un enfant, même si je me sentais pas encore prédestiné pour ça, mais et j'ai pu le développer en arrivant au Burundi, quand j'ai rencontré des amis artistes burundais, Clovis Ngoy, Nelson Yakire, qui m'ont permis de m'épanouir dans ce sens. Et en même temps que je faisais l'université, j'ai pu me lancer dans la peinture petit à petit avec l'aide des amis artistes locaux. Christian Boudjididi commence par nous définir ce que c'est une peinture. La peinture, c'est un art visuel en deux dimensions, c'est-à-dire que la peinture est posée sur une toile, peinture sous différents types, acrylique, peinture à eau ou peinture à huile. La peinture connaît beaucoup de styles, Boudjididi nous en parle. Oui, hein. Il y a plusieurs spécificités, il y a eu plusieurs courants dans l'histoire de l'art. Mon style de peinture, il est plus visuel et réaliste, c'est-à-dire pas abstrait. Il y a des styles abstraits, d'abstraction. L'abstrait, puis réaliste, difficile à comprendre. Mais Christian nous explique la différence. Le style abstrait, c'est un style où au spectateur ou à la personne qui regarde l'œuvre d'interpréter ou d'essayer de l'interpréter à sa manière. Mais le style réaliste nous donne directement les messages, même si peut-être il peut avoir des codes ou suivant le travail de l'artiste, mais il y a un message déjà qui est fixe et que le spectateur peut voir sans aucune explication. Les Burundais préfèrent le style réaliste. La raison est donnée par Christian Boudjididi. Ouais, il préfère le style réaliste ou figuratif au Burundi. Des choses visuelles, des choses de la vie, quoi. Les gens peignent, les peintres peignent plus comment, des personnages ou des sujets visibles et facilement explicables. Je pense que dans le domaine de l'art local, ça a toujours été visuel. Même dans la sculpture, dans l'art traditionnel. C'est plus visuel que abstrait. Ça vient des anciens, je pense. Dans la prochaine chronique art et culture de samedi prochain, Christian Boudjididi va nous parler de comment faire évoluer cet art. C'est sur cette chronique art et culture de Christian Savzien que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Audrine Daïkézé pour sa collaboration technique à la présentation de ce journal. Et vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga. Dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de la presse. Yeah. revue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon votre zone d'écoute. Bougez-vous, s'exclame le journal Iwachu en une de sa parution de vendredi, avec deux portraits, celui du médiateur dans le dialogue interburundais Yoweri Museveni et du facilitateur Benjamin Mkapa. L'éditorialiste d'Iwachu croit en un dénouement heureux du cinquième et peut-être le dernier round des pourparlers interburundais, pourvu que chacun joue son rôle. Mais comme il n'y a plus beaucoup de temps et que les élections de 2020 approchent à grands pas, notre confrère estime que ce qui est pressant, c'est l'organisation des élections avec une feuille de route consensuelle et que la mission du facilitateur sera de mettre ensemble les parties en conflit et créer un modus vivendi contenu dans un accord accepté par toutes les parties. Le journal Burundi Echo s'inquiète des spéculations qui entourent l'interdiction de l'utilisation des sacs et emballages en plastique. Au moment où les amis de la nature se réjouissent de cette mesure qui limitera de manière drastique la pollution, les consommateurs, eux, le payent cher. Il fait remarquer que les prix des sachets ont grimpé à la minute même de l'annonce de cette mesure. Ce journal spécialisé dans les questions économiques estime que cette hausse de prix des sacs en plastique n'est pas fondée, surtout quand un délai de grâce de 18 mois est accordé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour vendre les stocks disponibles et honorer les commandes déjà passées. Ce qui explique que l'interdiction de l'utilisation des sacs en plastique sera effective en 2020. Burundi Echo conclut dans son éditorial de cette semaine que pour la réussite de cette initiative, le gouvernement devrait prendre des mesures d'accompagnement permettant une mise en application aisée de cette mesure et bannir toute forme de spéculation pour protéger le consommateur. Revue de la presse. L'agence burundaise de presse ABP revient sur la peste porcine africaine qui a fait plus de 900 bêtes mortes en l'espace de 2 semaines dans les communes d'Ogitanga et Giharo de la province Rutana. Lors de sa descente dans cette province, Serge Nkurunziza, directeur général de l'élevage, a indiqué qu'avec la mort de ces animaux, c'est plus de 63 millions de francs burundais qu'auraient empoché les éleveurs et qui se sont volatilisés, avec comme conséquence l'appauvrissement des familles victimes. Il a ainsi recommandé d'arrêter le mouvement des porcs, l'abattage et la consommation de sa viande jusqu'à nouvel ordre, tout en soulignant que les produits de désinfection sont disponibles pour les pulvériser partout où cette maladie se sera déclarée ou suspectée, rapporte l'ABP. Le directeur général de l'élevage, qui a précisé dans les colonnes de son quotidien que la maladie est virale et n'a pas de vaccin, appelle les éleveurs de porcs de tout le pays à être vigilants et à travailler étroitement en collaboration avec les vétérinaires. Provenance régionale et politique, des filtres qui bloquent la cohésion scolaire à Bubanza, titre le journal La Voix de l'enseignant. Les enseignants de Bubanza déplorent le fait que les autorités scolaires administratives les catégorisent en fonction de leurs origines et de leur affiliation politique. Ce journal rapporte que les enseignants non originaires de cette localité ou non membres du parti au pouvoir font régulièrement objet des harcèlements administratifs et des intimidations des parents ou des élèves les accusant de faire échouer injustement les élèves. Les enseignants de Bubanza suggèrent une synergie entre les directions scolaires, les conseils communaux et provinciaux de l'enseignement pour assainir le climat scolaire, reprend la voix de l'enseignant. Ce journal donne aussi quelques détails sur une nouvelle approche d'orientation à l'enseignement supérieur public burundais, motivée par de nombreuses déperditions avec l'ancien système d'orientation, comme l'a remarqué l'autorité du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'étudiant lui-même va se faire inscrire dans une filière et a encore le choix au second, voire au troisième choix, selon les critères arrêtés et les demandes dans la filière, précise la voix de l'enseignant. La communauté des blogueurs Yaga revient également sur cette nouvelle approche d'orientation. Une question tarot de la plupart des lauréats, sur quels critères se baser pour choisir sa faculté? Yaga propose ainsi quelques astuces. Pour dissiper vos doutes et vos peurs, informez-vous, puis cherchez ce qui vous motive. Ensuite, vérifiez les débouchés. Et enfin, trouvez les études que vous allez réussir. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Mireille Kanyange et Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nous.